travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. Quel avenir pour l'hôpital demain ? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. En ligne, nous avons Pierre-Jean Lancry, économiste de la santé, dirigeant de la MSA des Côtes-Normandes, acteur de la protection sociale. Bonjour Pierre-Jean Lancry, merci d'être avec nous. Oui, bonjour madame. Avons-nous besoin de repenser et réorganiser l'hôpital aujourd'hui ? Oui. La réponse est évidente. On a toujours dans notre système de santé un raisonnement par silo où vous avez, malgré les efforts depuis 10 ans des agences régionales de santé qui ont été mises en place pour cela, eh bien, il y a toujours la séparation dans les faits entre la médecine de ville, l'hôpital et le médico-social. Et si vous voulez, il y a quelques temps, l'hôpital répondait parfaitement aux maladies aiguës, aux cas graves, aux soins aigus. Il le fait toujours, mais on a de plus en plus besoin d'avoir des recours à des soins chroniques. Et là, quand vous avez des personnes âgées ou des maladies chroniques, l'approche doit être différente. Il doit y avoir vraiment une approche centrée sur le patient, avec une liaison entre la ville, l'hôpital et le médico-social. Et aujourd'hui, les établissements ne sont pas, les établissements hospitaliers ne sont pas conçus pour cette logique de travail non plus en soins séparés, mais en commun avec ville et médico-social. Merci Pierre-Jean, c'est Jean-Claude Delgène. Bonjour. Concrètement, j'entends bien, ça veut dire quoi très concrètement quand on parle d'articulation entre les différents niveaux ? Ça se passerait comment par exemple ? Prendre un exemple. Ouais. Il y a aujourd'hui, on a dans des CHU des personnes hospitalisées dans des services qui ne sont pas des soins de longue durée. Mais qui sont des soins, des services de médecine, alors que la personne devrait être dans un séjour plutôt médico-social, mais faute d'avoir un aval prévu pour cette personne, eh bien, elle occupe un lit inutile. D'accord. C'est le type d'organisation qu'il faudrait proscrire, parce que c'est pas ce dont on a besoin. Autre exemple. On est toujours à l'hôpital sur une séparation. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, mais je suis obligé de dresser à gros traits pour que vous compreniez l'idée que je veux faire passer. On a toujours une séparation par organe. Ouais. On a des spécialistes d'organes. On n'a pas une approche globale et systématisée sur le patient. Mais ce n'est pas la faute... Ce n'est pas la faute du personnel soignant, c'est un problème d'organisation du système de santé. C'est-à-dire, quand on parle d'organes, ça veut dire qu'on va envoyer la personne en cardiologie, alors que peut-être il faut y aller, mais il y a aussi la question, peut-être qu'elle a, du fait du diabète, une insuffisance rénale qu'il faut traiter aussi, c'est ça, hein ? Il faut, oui. On ne part pas du besoin de la personne. D'accord. Ce qu'il faudrait, enfin, qui serait une vraie révolution dans l'organisation du système de santé, c'est d'avoir quel est le besoin de la personne. De plus en plus, l'âge moyen des patients hospitalisés, il est quand même assez élevé. Donc on a des problèmes de soins de personnes âgées et de soins chroniques. Ouais. Et pour ça, il faut adapter le mode de prise en charge. Et je ne parle pas du gâchis d'examens qui sont refaits et tout, j'en suis pas là, c'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est l'organisation pour avoir des soins continus entre ville, hôpital et médico-social. Mais ça suppose peut-être même de revoir quasiment la médecine allopathique moderne qui est très occidentale et d'avoir une approche plus globale et systémique comme on a par exemple dans d'autres pays de culture asiatique comme la Chine. Oui. En Chine, il y avait même des modes de rémunération des médecins qu'on les payait quand on n'était pas malade, et ouais. Si on était malade, c'était la faute du médecin, puisqu'on les payait pour être en bonne santé. C'est possible, mais moi ce que je vois en observant aujourd'hui le système de santé, c'est que on n'a pas encore acquis, la, en tout cas on a peut-être la conviction, mais dans les faits ce n'est pas le cas, d'avoir les professionnels de santé qui raisonnent pour une population et savoir quels sont les besoins de cette population. On est trop souvent sur une analyse d'une relation individuelle entre le médecin et son patient. Pendant longtemps, on a dit c'était une confiance face à une conscience, certes. Mais aujourd'hui, le médecin, surtout que j'entendais la fin de votre conversation précédente sur la notion de territoire, le médecin, il doit être, et c'est le cas dans les structures qui sont mises en place, qu'on appelle les communautés professionnelles territoriales de santé, le médecin, il doit s'intéresser aussi aux besoins de la santé d'une population de territoire. Et pour ça, les médecins de premier recours doivent travailler et doivent être organisés avec d'autres professionnels, que ce soit du médico-social, voire du social, et avec des hôpitaux dits de proximité. Se pose également une question importante dans la repenser le système de santé, c'est est-ce qu'on a besoin d'avoir des établissements de recours, comme les CHU, qui sont aussi des établissements de proximité de leur population. Je suis pas sûr que ce soit la bonne utilisation des moyens humains et financiers collectifs.